الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Donc toujours dans la traduction et quelques commentaires sur le livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam, un livre de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi et une explication du Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Durant le dernier cours, on a fini le chapitre de Qibla, c'est ça ? Istiqbal al-Qibla avec le hadith de Anas ibn Sirin. Et on avait entamé le chapitre de l'alignement des rangs. Et dans ce chapitre, on avait vu le hadith de Anas ibn Malik, le hadith de Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, et le hadith de Anas également. Qui se propose ? Pour nous réciter le livre, le hadith de Anas ibn Sirin, le athar de Anas ibn Sirin. Hassan, Ibrahim, Mahafiz, Hassan. Heureusement que les frères de Sergi sont là pour sauver l'honneur. Tadala. Anas ibn Sirin, radiyallahu anhu. نعم. Je peux dire رضي الله عنه من باب الدعاء، mais نعم. Il n'est pas dans le hadith. Non. Et Anas ibn Sirin, on a vu que c'était le frère de Mohammed ibn Sirin qui fait partie des grands tabi'in. نعم. حين قدم من الشام. فلقيناه بعين الطم فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجان نعم يعني عن يسار القبلة. يعني عن يسار القبلة. فقلت رأيتك أن تصلي لغير القبلة. فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلته. لولا أني رأيت رسول الله ماذا؟ أن يفعله. نعم لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. أحسنت بارك الله فيك. الحديث أنس كي البلو كور جواد منير فإن تسوية من أحسنت وأكلاف فيك سيمون تبي فعل ما من منير. طيب الحديث الـ69 من الحديث الحديث النعمان بن بشير كي سي بروبوز تفضل جواد. La tusawwun. Si tu dis la tusawwun, c'est-à-dire n'alignez pas vos rangs. Et la tusawwun, c'est-à-dire alignez vos rangs. Non. Ou la yukha, pareil. Ou la yukhalifan. Non. حتى كأن ما يسوي بها القتال. حتى رأى أن قد أقل عنه ثم خرج يومان فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلان حتى رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم متفقنا رواه البخاري ومسلم. نعم أحسن تبارك الله فيك. C'est pas grave les hésitations. Le mohim, c'est d'arriver au bout et de réviser par la suite, inshallah. Le dernier hadith, le hadith de Anas ibn Malik, avec l'histoire de sa grand-mère. Qui nous la récite? Nadir ou Salim? Salim, tandalah. ما اسمها؟ نعم. صنعته له. نعم. فكان لي. قال قوموا لو سبق المسلم منكم. قال أنس. قال أنس قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته فقام عليه. وصففت أنا واليتيم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز ورائنا. نعم. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. رواه البخاري ومسلم. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى به فأقامني نعم. وأقام المرأة خلفنا. أحسنت. بارك الله فيكم. continue. الحديث 71. Le 71e hadith. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه رواه البخاري ومسلم. سنو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جي دورمي chez ma tante Maymouna, chez ma tante maternelle, Maymouna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour prier la nuit. Je me suis mis debout à sa gauche, il m'a pris par la tête et m'a positionné à sa droite. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. المعنى الإجمالي كان الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن ذا جد واجتهاد في تحصيل العلم وتحقيقه حتى بلغ به التحقيق أن بات عند خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليطلع بنفسه على تهجد النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس ليصلي بصلاته وسار عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم مأموما ولأن اليمين هو الأشرف وهو موقف المأموم من الإمام إذا كان واحدا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فأقامه عن يمينه. Le sens général du hadith. Le noble compagnon, l'océan de la communauté, l'exégète du Coran, qui n'est autre que Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, qui était courageux et déployait beaucoup d'efforts pour acquérir la science et pour la vérifier. et sa vérification de la science était telle qu'il a dormi chez sa tante Maimouna, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, afin de voir par lui-même comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour prier la nuit, Abdullah ibn Abbas s'est levé également pour prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est positionné à sa gauche. Et parce que la droite est plus méritoire, c'est la position que doit adopter celui qui prie avec l'imam lorsqu'il est seul. Celui qui est seul et qui prie avec l'imam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a saisi par sa tête et l'a positionné à sa droite. C'est clair. اختلاف العلماء المشهور من مذهب الإمام أحمد فساد صلاة المأموم إذا كان واقفا عن يسار الإمام مع خلو يمينه وذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى صحة صلاته ولو مع خلو يمين الإمام وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد واختارها بعض أئمة أصحابه مستدلين بهذا الحديث وهو استدلال واضح المأخذ مع أنهم أجمعوا على أن الموقف الفاضل للمأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام. La divergence des savants. Ce qui est connu dans le madhhab de l'imam Ahmed est que la prière de celui qui prie avec l'imam lorsqu'il se positionne à gauche de l'imam et que la droite de l'imam est libre, que sa prière est nulle. Et la majorité des savants, parmi eux les trois imams, Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, eux considèrent que sa prière est valide. Même si la droite de l'imam est libre. Et c'est également une deuxième version rapportée selon l'imam Ahmed. Et c'est également l'avis choisi par certains des compagnons de l'imam Ahmed qui utilisent pour preuve ce hadith. Et la preuve dans ce hadith est claire et évidente. Néanmoins, les savants sont unanimes que celui qui prie seul avec un imam, que à l'unanimité, le mieux et le plus méritoire est qu'il se positionne à droite de l'imam et non à sa gauche. ما يؤخذ من الحديث. Ce que l'on retient du hadith. أولا الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان واحدا. Premièrement, que le mieux, le meilleur pour celui qui prie avec un imam et celui qui est seul est de se positionner à droite de l'imam. ثانيا صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس. Deuxièmement, que celui qui se positionne à gauche de l'imam, même si la droite est libre, que sa prière est valide, car le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas invalidé la prière de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas a commencé à prier, il était à gauche du prophète صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم l'a pris par la tête et l'a positionné à sa droite, et il a continué sa prière. Il ne l'a pas dit de recommencer. Il a donc considéré la partie de la prière accomplie par Abdullah ibn Abbas comme étant valide. Thalithan, inna al-ma'moum al-wahid, idha waqafa an yasar al-imam, fastadara ila yaminihi ya'ti min al-khalf, kama warada fi ba'di al-fadhi al-hadithi fi al-Bukhari. Troisièmement, que celui qui prie avec l'imam lorsqu'il est seul, lorsque je dis il est seul, je parle de non, de celui qui prie. De toute façon, l'imam, il n'y en a toujours qu'un seul. Que celui qui prie avec l'imam lorsqu'il est seul et qu'il est positionné à gauche de l'imam et qu'il veut se mettre à sa droite, il doit passer derrière l'imam, comme cela est rapporté dans d'autres versions de l'Bukhari. où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait passer Abdullah ibn Abbas derrière son dos et non pas devant lui, car cela couperait la prière. رابعا إن العمل في الصلاة إذا كان مشروعا لصحتها لا يضرها. Quatrièmement, qu'un acte dans la prière est légiféré lorsqu'il est accompli dans le bien ou pour le bien de la prière. خامسا صحة مصافة الصبي وحده مع البالغ. Cinquièmement, on lit de ce hadith que un enfant peut constituer un sof lorsqu'il prie à côté d'une personne pubère. Ceci est une preuve, mais aussi la preuve du hadith de Anas que l'on a vu la dernière fois lorsqu'il a prié avec le professeur Asselam, avec sa mère derrière, mais lui il priait avec un orphelin. Non, il y a les deux versions, avec un orphelin. Mais oui, le fait de prier avec un orphelin, cela valide le sauf. Sadisan, mashru'iyatu salati al-layl wa istihbabaha. Sixièmement, on retient de ce hadith que la prière de nuit est légiférée et qu'elle est recommandée. Sabi'an, ijtihad ibn Abbas radiyallahu anhu wa hirsuhu ala tahsil al-ilm wa tahqiqih. Septièmement, les efforts de Abdullah ibn Abbas dans l'apprentissage de la science et dans sa vérification. Thaminan, innahu la yashtaritu li sihhati al-imamati an yanwi al-imam qabla ad-dukhul fi as-salati annahu imam. Regardez les savants jusqu'où ils vont. Huitièmement, ce que l'on retient, c'est qu'il ne fait pas partie des conditions pour que la prière de l'imam soit valide qu'il ait l'intention d'être l'imam avant de prier. Quelqu'un qui prie, certains vont dire, pour que tu sois imam, il faut que, avant de prier, tu aies l'intention de diriger les gens. Et la réponse est que cela n'est pas une condition. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé à prier la nuit, il était seul ou accompagné? Il était seul, donc il avait l'intention de prier seul. Et Abdullah ibn Abbas est venu à ses côtés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé imam. Donc ce n'est pas une condition d'avoir l'intention d'être l'imam avant de prier pour que la prière de l'imam soit acceptée. C'est clair? باب الإمامة le chapitre de l'imamة de la présidence de la prière. هذا باب يذكر فيه آداب الإمام والمأموم وما يجب على كل منهما ويستحب وفيه بيان علاقة بعضهما ببعض والإمامة نظام إلهي يرشدنا الله سبحانه وتعالى فيه عمليا إلى مقاصد سنية وأهداف سامية من حسن الطاعة والاقتداء بالقواد في مواطن الجهاد ومن حسن النظام والتعبئة للأعمال العسكرية والحركات الحربية ومن تعود على المواساة والمساواة حيث يقف الصغير مع الكبير والغني مع الفقير والشريف مع الوضيع إلى غير ذلك من أسرار تفوت الحصر هذا والمقصد الأسماء هو عبادة الله تعالى والخضوع بين يديه. Le chapitre de l'imam, la présidence de la prière. Dans ce chapitre, il sera cité les règles et les comportements que doivent adopter l'imam et celui qui prie derrière lui, et ce qui est obligé ou ce qui est obligatoire ou recommandé pour chacun d'eux, c'est-à-dire de l'imam et de celui qui prie avec lui, et également d'expliquer le lien qu'il y a entre eux. Et l'imam, la présidence, est une législation divine. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à ceci de façon pratique, et découle derrière la présidence des buts ultimes et des buts hauts comme d'obéir et comme d'être sous le commandement ou d'être sous l'ordre de commandant dans la en temps de guerre, et ceci permet une discipline militaire et également de s'entraîner à être semblable et à se s'entraider. Et ceci car le petit se positionne à côté du grand, le riche à côté du pauvre, celui qui a une réputation avec celui qui n'en a pas, et d'autres choses cachées qui ne peuvent être énumérées. Et le but ultime est bien sûr l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre devant lui, d'être soumis devant lui. الحديث الحادي والسبعون لو 72 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار رواه البخاري ومسلم سورة أبو هريرة رضي الله عنه. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'a-t-il pas peur, celui qui lève sa tête avant l'imam, qu'Allah ne change sa tête en une tête d'âne, ou qu'Allah ne change son apparence en l'apparence d'un âne ?» Hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim. Gharib al-hadith « Ama qala al-shawkani ama mukhaffafa » حرف استفتاح وأصلها ما النافية دخلت عليهما همزة الاستفهام وهي هنا استفهام توبيخ يخشى يخاف والمعنى فليخف لأن الغرض من الاستفهام هنا الإشعار بالنهي عن رفع الرأس قبل الإمام. Ici, dans le sens, les termes qui méritent explication du hadith, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, rapporte la parole de l'imam Shawkani, qui explique la parole Ama du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'a-t-il pas peur? Ici, c'est un reproche sous forme de question. N'a-t-il pas peur? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il doit avoir peur ou pas? Oui. N'a-t-il pas peur, c'est-à-dire qu'il est peur, celui qui lève sa tête avant la tête, avant l'imam. المعنى الإجمالي إنما جعل الإمام في الصلاة ليقتدى به ويؤتم به بحيث تقع تنقلات المأموم بعد تنقلاته وبهذا تتحقق المتابعة فإذا سابقه المأموم فاتت المقاصد المطلوبة من الإمامة لذا جاء هذا الوعيد الشديد على من يرفع رأسه قبل إمامه بأن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار بحيث يمسخ رأسه من أحسن صورة إلى أقبح صورة جزاء لهذا العضو الذي حصل منه الرفع والإخلال بالصلاة. Le sens général du hadith. L'imam est présent dans la prière pour être suivi. Et il préside de telle sorte que les mouvements de ceux qui prient derrière lui doivent venir après ces mouvements à lui. Et ainsi a lieu le suivi de l'imam. Et s'il précède l'imam, alors les buts de l'imama, de la présidence, sont délaissés et ne sont plus existants. Ainsi est venue cette menace dangereuse pour celui qui lève sa tête avant celle de l'imam, qui lève sa tête avant son imam. Quelle est cette menace dangereuse? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala change sa tête en une tête d'âne. et qu'il change son apparence en l'apparence d'un âne, et de le maudire et de le châtier de telle sorte qu'il passe de la meilleure apparence à la plus ignoble des apparences. L'apparence humaine n'est-elle pas belle? Oui ou non? Oui. Et qu'Allah Azza wa Jal châtie quelqu'un en remplaçant sa tête par la tête d'un âne, c'est le faire passer de la meilleure des apparences à la pire des apparences. Et ceci, en guise de réprimande à ce membre du corps qui s'est levé avant son imam. اختلاف العلماء في السبق. La divergence des savants sur celui qui précède, c'est-à-dire l'imam. اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم للإمام لهذا الوعيد الشديد. Les savants sont unanimes sur l'interdiction de précéder l'imam à cause de cette menace dangereuse. ولكن اختلفوا في بطلان صلاته. Mais ils ont divergé sur la validité de cette prière. فالجمهور على أنها لا تبطل. La plupart des savants considèrent que la prière n'est pas annulée. قال الإمام أحمد في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة. وأصحاب الإمام يقولون من سبق إمامه بركن كركوع أو سجود فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام. فإن لم يفعل عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته. والصحيح ما ذكره في الرسالة من أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن الوعيد يقتضي النهي والنهي يقتضي الفساد. Donc la plupart des savants considèrent que celui qui précède l'imam dans ses mouvements, que sa prière n'est pas nulle, mais ils sont, comme je l'ai dit, comme le cheikh l'a dit au début, tous unanimes sur le fait que c'est une chose interdite. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, dans sa risala, dit qu'il n'y a pas de prière pour celui qui précède l'imam. Et les compagnons de l'imam Ahmad, rahimahullah, ont donné plus de détails en disant que celui qui précède l'imam dans un pilier de la prière, comme l'inclinaison à rukou' ou comme la prosternation un sujoud, c'est-à-dire le sujoud, qu'il doit revenir avant que l'imam ne fasse ce pilier. Et s'il ne le fait pas de façon volontaire jusqu'à ce que l'imam le fasse, alors sa prière est nulle. Vous avez compris ce qu'ils ont dit ou pas? Et celui qui précède par exemple l'imam dans le rukou', ils disent qu'il faut qu'il se remette debout avant que l'imam ne fasse le rukou'. Et s'il reste en état de rukou', en ayant précédé l'imam et qu'il reste de façon volontaire, ils disent que sa prière est nulle. Et Cheikh Al-Bassam dit « Was-sahih » et l'avis le plus sûr ou le plus vrai, c'est ce qu'a cité l'imam Ahmad dans sa risala en disant que le simple fait de précéder l'imam annule la prière. Et c'est l'avis également de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, car le châtiment signifie l'interdiction et l'interdiction signifie l'annulation. Al-istimbatat min al-hadith. Ce que l'on retient du hadith. Awalan, tahrim raf'i ar-ra's fi as-sujud qabla al-imam والوعيد فيه دل على منعه إذ لا وعيد إلا على محرم وقد أوعد عليه بالمسخ وهو من أشد العقوبات. Premièrement, ce que nous retient du hadith, l'interdiction de lever sa tête dans le sujoud avant l'imam. Et la menace prouve l'interdiction, car il ne peut y avoir de menace sur une chose qui n'est pas interdite. Et Allah Azza wa Jal a ici menacé de changer l'apparence en une apparence d'âne qui fait partie des châtiments les plus horribles dans cette vie d'ici-bas. ثانيا يلحق بذلك مسابقة الإمام في كل تنقلات الصلاة وليس ذا من باب القياس وحده فزيادة على القياس الصحيح أخرج البزار من حديث أبي هريرة مرفوعا الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. Deuxièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est que de précéder l'imam n'est pas interdit uniquement en se relevant du sujoud, mais dans tous les mouvements de la prière. Il y a deux preuves à cela. La première qui est al-qiyas, l'analogie. Comme cela est interdit dans le sujoud, eh bien c'est interdit dans le recours, etc., etc. Et la deuxième preuve est, comme l'a dit Cheikh al-Bassam, un hadith, hadith d'Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se penche ou se lève ou se relève avant l'imam, eh bien son toupet est dans la main du diable. » Qu'est-ce que le toupet ? Non, les savants disent que le toupet, c'est les cheveux qu'il y a sur le devant de la tête. C'est comme si le diable le prenait par son toupet, en le faisant faire les mouvements avant ceux de l'imam. C'est le hadith qu'a cité Cheikh al-Bassam et Mbab al-Aman al-Ilmiya, Cheikh al-Albani, rahimahullah, lui considère ce hadith faible, comme il l'a dit dans Sahih Da'if al-Jami', le hadith numéro 1527. À le fait que ce hadith soit faible ne remet pas en cause le jugement, car la première preuve, c'est al-qiyas, l'analogie. ثالثا وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة. L'obligation pour celui qui prie derrière l'imam de suivre l'imam pendant la prière. رابعا إن الجزاء من جنس العمل. فحين كان الرفع في الرأس جوز بالوعيد بالمسخ. Quatrièmement, que le châtiment est proportionnel au péché. Et parce qu'il a levé sa tête avant l'imam, eh bien, il sera puni par le fait qu'Allah Azza wa Jal change son apparence en l'apparence d'un âne. Khamisan, tawa'ud al-musabiq bil-maskhi ila surat al-himar lima baynahu wa bayna al-himar min al-munasabati wa al-shabah fil-baladati wal-ghaba. Lian al-musabiq إذا كان يعلم أنه لن ينصرف من الصلاة قبل إمامه فليس هناك نتيجة في المسابقة فدل على غبائه وضعف عقله. Cinquièmement, la menace de celui qui précède l'imam dans ses mouvements de le changer en apparence d'un âne, Cheikh al-Bassam dit, rahimahullah, car en faisant cela, il y aura une ressemblance entre lui et l'âne dans la sottise et la stupidité. Car celui qui aura précédé l'imam sait très bien qu'il ne pourra pas sortir de la prière avant l'imam. Est-ce que quelqu'un peut sortir de la prière avant l'imam ? Non. Donc pourquoi le précéder ? En faisant cela, فليس هناك نتيجة في المسابقة. Il n'y a donc aucun bénéfice à précéder l'imam. Ceci prouve donc la sottise de cette personne et la faiblesse de sa raison. سادسا تدل مسابقة الإمام على الرغبة في استعجال الخروج من الصلاة وذلك مرض دواؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل الإمام. Sixièmement, le fait de précéder l'imam prouve le désir de s'empresser à sortir de la prière. Et cette maladie, son remède est de se remémorer qu'il ne peut saluer avant l'imam. Sabi'an, al-wa'id bi-taghyir suratin bi-surati man yarfa'u ra'sahu qabla al-imam إلى سورة حمار أمر ممكن وهو من المسخ ولكن لم ينقل وقوعه ويحتمل أن يرجع المعنى من تحويل السورة إلى تحويل النحيزة وذلك بأن يصبح بليدا كالحمار. Septièmement, le châtiment de changer l'apparence de celui qui se relève avant l'imam, qui lève sa tête avant l'imam, de le changer en une apparence d'âne est une chose possible. Allah Azza wa Jalla est capable de toute chose. Et comme c'est rapporté dans le hadith de l'Qiyama, que des gens seront ressuscités sur leur tête. Et ils ont dit, envoyé d'Allah, comment est-ce qu'il peut être ressuscité sur sa tête? Qu'est-ce qu'a répondu le professeur Hassanem? Allah Azza wa Jal, ne l'a-t-il pas créé en marchant sur ses pieds? Ne peut-il pas le créer en marchant sur sa tête? Ou en avançant sur sa tête? Bien sûr. Donc Allah Azza wa Jal est totalement capable de changer l'apparence d'un être humain en l'apparence d'un âne. Mais cela n'a pas été rapporté jusqu'à ce jour. Cela n'a pas été rapporté jusqu'à ce jour, et l'on peut comprendre que le sens de ce hadith, à savoir de changer l'apparence en une apparence de l'âne, c'est-à-dire de changer sa nature, la nature de cette personne, en étant la nature d'un âne, c'est-à-dire en faisant en sorte que cette personne soit idiote comme l'âne. يقول المؤلف رحمه الله الحديث 73 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. Je crois que là vous avez une erreur dans la tab'a, c'est marqué فلا يختلفوا عليه. Faut changer, c'est فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون رواه البخاري ومسلم. ثم قال الحديث 74 عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون رواه البخاري ومسلم. Donc le hadith 73 selon Abu Huraira رضي الله عنه, il rapporte du prophète صلى الله عليه وسلم qu'il a dit: l'imam est présent pour être suivi, ne divergez pas avec lui. Lorsqu'il dit le takbir, faites le takbir. Et lorsqu'il s'incline, inclinez-vous. Et lorsqu'il dit Sami'a Allahu liman hamidah, dites Rabbana lakal hamd. Et lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous. Et lorsqu'il prie assis, priez tous assis. Ou priez assis tous ensemble. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le 74e hadith. Selon Aïcha radiallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié chez lui lorsqu'il était malade, en étant malade. Il a prié assis. Et derrière lui, les gens priaient debout. Il leur a fait un signe de s'asseoir. Et lorsqu'il a terminé la prière, il a dit: l'imam est présent pour être suivi. Lorsqu'il s'incline, inclinez-vous. Et lorsqu'il se relève, relevez-vous. Et lorsqu'il dit « Sami'a Allahu liman hamidah », dites « Rabbana walakal hamd ». Et lorsqu'il prie assis, priez assis tous ensemble. Al-Gharib, Al-Fa'u al-Waqi'a fi fakabbiru wa farka'u ila akhirih للترتيب والتعقيب. ومعنى الترتيب أن تقع بعده والتعقيب أن تليه مباشرة فلا تساوه ولا تتأخر عنه. Les termes qui méritent explication. Alpha qui est présente dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fakabbiru, farka'u. Lorsqu'il s'incline, inclinez-vous. Lorsqu'il fait le takbir, dites le takbir. Cela, le fa ici, a deux sens. Le deux sens qui sont rassemblés. Le premier qui est le tartib, c'est-à-dire qu'il suit, c'est-à-dire que ton inclinaison doit suivre l'inclinaison de l'imam. Et al-taqib, c'est-à-dire que ton inclinaison doit suivre directement celle de l'imam. Suivre, c'est-à-dire ne pas faire en même temps, et suivre de suite après, c'est-à-dire ne pas retarder l'inclinaison ou le takbir ou tous les autres mouvements de l'imam. ثانيا جعل من افعال التحويل تاخذ مفعولين احدهما نائب الفاعل والثاني محذوف تقديره اماما ثالثا اجمعون تاكيد لضمير الجمع رابعا شاك اسم فاعل من الشياكه وهي المرض. Ensuite, Cheikh a donné des explications grammaticales sur le verbe ju'ila qui fait partie de af'al at-tahwil, car il y a plusieurs sortes de verbes comme akhadha ou khidha, aussi fait partie de af'al at-tahwil. À kulli hal, cela veut dire que l'imam est placé et qu'il est présent, c'est-à-dire l'imam. Ajma'oun, ceci pour appuyer le fait que tous doivent prier assis. Parce que le professeur Sam a dit, et lorsqu'il prie assis, priez tous assis, c'est-à-dire tous sans exception. Et le terme shak, qu'a dit Aïcha radiallahu anha, que le professeur Sam a prié chez lui en étant shak, ce n'est pas shak dans le sens de douter, mais dans le sens de se plaindre. Yani, c'est-à-dire malade, que le professeur Sam était malade. Et dans d'autres versions, cette maladie était celle qui a précédé sa mort, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Al-ma'n al-ijmari. في هذين الحديثين بيان صفة اقتداء المأموم بالإمام ومتابعته له فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين إلى الحكمة في جعل الإمام وهي أن يقتدى به ويتابع. Dans ces deux hadiths, il y a la démonstration ou la description de comment celui qui prie derrière l'imam doit suivre l'imam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté ceux qui prient derrière l'imam ou leur a montré la sagesse de la présence de l'imam qui est d'être suivi et d'être pris comme guide. فَلَا يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ بِعَمَلٍ مِنْ أَعْمَلِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا تُرَاعَى تَنَقُّلَاتُهُ بِنِظَامٍ وَدِقَّةٍ فَإِذَا كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ فَكَبِّرُوا أَنْتُمْ كَذَلِكَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا بَعْدَهُ وَإِذَا ذَكَّرَكُمْ أَنَّ اللَّهَ مُجِيبٌ لِمَنْ حَمِدَهُ بِقَوْلِهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَاحْمَدُوهُ تَعَالَى بِقَوْلِكُمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَتَابِعُوهُ وَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ فَتَحْقِيقًا لِلْمُتَابَعَةِ صَلُّوا جُلُوسًا وَلَوْ كُنْتُمْ عَلَى الْقِيَامِ قَادِرِينَ. On doit donc suivre l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté ceux qui prient avec l'imam de le suivre et de ne pas diverger avec lui dans les actes de la prière. Mais les mouvements de l'imam doivent être respectés avec précision. Ils doivent être respectés avec précision, c'est-à-dire que lorsqu'il dit le takbir, le premier takbir, le takbir de l'ihram, faites le takbir après lui. Et lorsqu'il s'incline, inclinez-vous après lui. Et lorsqu'il vous rappelle qu'Allah exauce ceux qui le louent, lorsqu'il dit « Sami Allahu liman hamidah » qu'Allah entend ceux qui le louent, c'est-à-dire qu'il exauce leurs invocations. Eh bien, louez-le vous aussi, louez Allah Azza wa Jal en disant Rabbana lakal hamd. Et lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous après lui. Et lorsqu'il s'assied, lorsqu'il est incapable de prier debout, alors, parce que vous devez le suivre, priez assis, même si vous êtes dans la possibilité de prier debout. فقد ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من المرض فصلى جالسا وكان الصحابة يظنون أن عليهم القيام لقدرتهم عليه فصلوا وراءهم قياما. عائشة رضي الله عنها a rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم se plaignait d'une maladie, ce qui explique pourquoi il a prié assis. Et ses compagnons رضي الله عنهم pensaient que eux devaient prier debout car ils n'étaient pas malades et ils avaient la possibilité de prier debout. Pour ce, c'est pour cela qu'ils ont prié debout derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَنْ يَجْلِسُ فَلَمَنْ صَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ أَرْشَدَهُمْ إِلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُخَالَفُ وَإِنَّمَا يُوَافَقُ لِتَحْقِيقِ الْمُتَابَعَةِ التَّامَّةِ وَالِاقْتِدَاءِ الْكَامِلِ بِحَيْثُ يُصَلِّي الْمَأْمُومُ جَالِسًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ لِجُلُوسِ إِمَامِهِ الْعَاجِزِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait un signe de s'asseoir. Et lorsqu'il a terminé sa prière, il les a exhortés en leur disant que l'imam ne doit pas être contredit et on ne doit pas faire une chose contraire à ce que l'imam a fait, mais que l'on doit le suivre de façon complète et qu'il doit être un guide dans tous les sens du terme, c'est-à-dire pendant la prière, de telle sorte que celui qui prie avec l'imam prie assis malgré sa possibilité de prier debout lorsque son imam n'en a pas la possibilité. اختلاف العلماء اختلف العلماء في صحة ائتمام المفترض بالمتنفل فذهب المالكية والحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة إلى عدم الصحة مستدلين بهذا الحديث الذي معنا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه وكون المأمون مفترضا والإمام متنفلا مخالفة بينهما في النية وهو من أشد أنواع الاختلاف ولأن مدار العمل على النية وذهب الشافعي والأوزاعي والطبري إلى صحة ائتمام المفترض بالمتنفل وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مستدلين بحديث معاذ المتفق عليه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة ويستدلون أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم رواه أبو داود والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الثانية متنفل ومعنى فلا تختلف عليه أي في أفعال الصلاة والقائلون بصحة الصلاة يلزمون غير المصححين لها بأن يقولوا أنتم أيضا تصححون صلاة المفترض بالمتنفل مع اختلافهما في النية كالتي تمنعونها فيلزمكم التناقض في الاستدلال. Les savants ont divergé sur la validité d'un imam qui prie une prière surérogatoire derrière lui des personnes qui prient une prière obligatoire. Et qu'il y a une différence dans l'intention. Celui qui prie derrière prie une prière obligatoire, et l'imam, lui, prie une prière surrogatoire. Il y a ici une certaine divergence entre celui qui prie et son imam. Al-Malikiyya, Al-Hanafiyya, et dans le madhab de l'imam Ahmed, que cette prière n'est pas authentique, elle n'est pas valide. Ils ont pour preuve le hadith que l'on explique actuellement, que l'imam est fait pour être suivi et qu'il ne faut pas diverger avec lui. Et le fait que celui qui prie derrière l'imam accomplit une prière obligatoire et que l'imam, lui, prie en accomplissant une prière surérogatoire, il y a entre les deux une divergence dans l'intention. Et ceci fait partie des divergences les plus grandes. Et Al-Shafi'i wa Al-Awza'i, ainsi que l'imam Al-Tabari, considèrent que la prière est valide, qu'il est autorisé et que la prière est valide, qu'une personne qui prie une prière obligatoire prie derrière un imam qui lui accomplit une prière surérogatoire. Et c'est également une autre version de l'imam Ahmed. Et c'est l'avis qu'a choisi parmi Al-Hanabila Ibn Qudama, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ainsi que son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahumullah. Et ils ont pour preuve le hadith de Mu'ad, apporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il retournait dans son peuple pour prier la même prière, sauf que lui l'accomplissait avec l'intention de d'une nafila, et son peuple prier derrière lui en accomplissant la prière obligatoire. Et dans certaines versions, cette prière est la prière de l'Isha. Et ils ont aussi pour preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hamoukallah, parmi les différentes façons d'accomplir la prière de la peur, parmi ces différentes façons, il y a le hadith authentique apporté par Abu Daoud dans ses sunan, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec une partie de ses compagnons de raka'at, puis il saluait. Et pendant qu'il priait, le deuxième groupe combattait l'ennemi. Lorsque le prophète sallam terminait ses deux raka'at, ceux qui combattaient l'ennemi venaient prier derrière lui, et ceux qui avaient prié allaient combattre l'ennemi. Et le prophète sallam priait une nouvelle fois deux raka'at en faisant le taslim. Donc le prophète sallam en tout priait combien? Quatre, et chacun des groupes priait deux. Et les savants disent que la deuxième prière qu'accomplissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour lui une prière nafila. Et pour ses compagnons qui priaient derrière lui, c'était une prière farida qui était obligatoire. Et le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne divergeait pas avec lui, c'est-à-dire dans les actes de la prière. Dans les actes de la prière et non pas dans l'intention de la prière. Ainsi, tu peux très bien prier, toi, derrière l'imam, la prière de Dhuhr, alors que l'imam prie la prière de l'Asr. À partir du Ni, et cela n'entre pas dans l'interdiction du prophète sallam de ne pas contredire l'imam, car cela concerne les actes de la prière. Et ceux qui ont dit, les savants qui ont dit que la prière est valide, ont répondu aux autres en leur disant, mais vous considérez valide l'inverse. C'est-à-dire que lorsque l'imam prie une prière obligatoire et que derrière lui, le ma'moum prie une prière surérogatoire, pour vous c'est autorisé. Pourquoi vous l'autorisez dans un cas et vous ne l'autorisez pas dans l'autre? Mafhoum? واختلفوا أيضا في صلاة المأمومين جلوسا مع القدرة على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام فذهبت الظاهرية والأوزاعي وإسحاق إلى أن المأمومين يصلون خلف الإمام العاجز عن القيام جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام واستدلوا على ذلك بهذين الحديثين وما ورد في معناهما وذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما إلى أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه وأجاب هؤلاء عن حديثي الباب ونحوهما بأجوبة ضعيفة أحسنها جوابان. Et les savants ont également divergé sur la prière de ceux qui prient derrière l'imam, qui prient assis, alors que ces mêmes personnes ont la possibilité de prier debout. Al-Zahiriya, ainsi que l'imam Al-Awza'i et Ishaq, sont de l'avis que ceux qui prient derrière l'imam doivent ceux qui prient derrière un imam qui ne peut prier debout doivent prier assis, même s'ils ont la possibilité de prier debout. Et ils ont pour preuve les deux hadiths que l'on a cités, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et lorsqu'ils prient assis, priez assis tous ensemble. » Et l'imam Abu Hanifa et l'imam Shafi'i et d'autres disent qu'il n'est pas autorisé pour celui qui prie derrière un imam qui prie assis, s'il a la possibilité, c'est-à-dire celui qui prie derrière lui, de prier debout, il ne doit pas prier assis. Quelle est leur preuve? La preuve est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la maladie qui a précédé sa mort, a prié assis. Et Abu Bakr et les gens derrière lui ont prié debout. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ces savants, c'est-à-dire qui disent que tu ne dois pas prier assis si tu as la possibilité de prier debout derrière un imam qui prie assis, ils ont répondu à ces deux hadiths par des réponses que Cheikh Al-Bassam dit faibles, et les meilleures de ces réponses sont de deux. La première, Al-Awwal anna hadithay al-bab wa mashabahahuma mimma yathbutu sihhata صحه صلاه القاعد العاجز بالقاعد القادر منسوخه بحديث صلاته في مرض موته بالناس قاعدا وهم قائمون خلفه ولم يامرهم بالقعود وهذا الجواب للامام الشافعي وغيره للامام الشافعي وغيره وانكر الامام احمد النسخ والاصل عدم النسخ بين النصوص الشرعيه وأنه مهما أمكن الجمع بينهما وجب المصير إليه لأنه إعمال لها جميعا. La première réponse est que les deux hadiths que l'on étudie actuellement ont été abrogés par le hadith dans lequel le professeur Hassam a prié assis et ses compagnons derrière dans la maladie qui a précédé sa mort. Autrement dit, vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils disent que ce second hadith vient abroger cela. Et Cheikh Al-Bassam dit, apporte la parole de l'imam Ahmed, qui a rejeté cette abrogation, car la base avant d'user de l'abrogation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rassembler les hadiths et trouver une compréhension qui permet de prendre en compte tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et c'est lorsque ce rassemblement n'est pas possible que l'on utilise d'autres moyens, et parmi ces moyens, al-nasr. Al-jawab al-thani min ajwibati al-mukhalifin al-hadithay al-bab da'wa al-takhsis bin-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi-an ya'um majalisa ولا يصح لأحد بعده وهذا جواب الإمام مالك وجماعة من أتباعه والمخصص عندهم حديث للشعبي عن جابر المرفوع لا يؤمن أحد بعد جالسا وأجيب عن هذا الحديث بأنه لا يصح بوجه من الوجوه. Et la deuxième réponse qu'ont cité ces savants, ils disent que cela est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'était le professeur Hassan seul qui avait le droit de prier assis et les gens derrière lui assis, mais plus personne après lui. Et c'est la réponse de l'imam Malik et d'autres parmi ceux qui l'ont suivi. Et ils utilisent pour preuve le hadith de Jabir, dans lequel le professeur Hassan a dit que personne après moi ne préside la prière assis. Que personne après moi ne préside la prière assis, et il a été répondu à ces savants que ce hadith est faible et qu'il n'est en aucun cas authentique. وقال ابن دقيق العيد قد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه الدليل. Et l'imam ابن دقيق العيد dit, et ce qui est connu, c'est que la base est que tout ce que fait le professeur sallam est une législation pour l'ensemble de sa communauté jusqu'à la preuve du contraire. وقد عرض هذا الحديث الضعيف المستدل به على التخصيص حديث أصح منه وهو ما أخرجه أبو داود أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقيل يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. Cheikh al-Bassam dit, il vient contredire ce hadith faible, le hadith de Jabir, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que personne après moi ne préside la prière assis, vient contredire ce hadith, un hadith authentique, rapporté par Abu Daoud dans ses sunan, et il a été authentifié par Cheikh al-Albani, que Usayd ibn Hudayr, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui présidait la prière de son peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti lui rendre visite. Pourquoi ? Car il était malade. Il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les gens du peuple de Usayd, ont dit, oh envoyé d'Allah, notre imam est malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il prie assis, priez tous assis. S'il prie assis, priez tous assis. C'est un hadith, comme je l'ai dit, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. وذهب الإمام أحمد إلى التوسط بين هذين القولين وهو إن ابتدأ بهم الإمام الراتب الصلاة قائمة ثم اعتل في أثنائها فجلس تم خلفه قياما وجوبا عملا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر والناس حين مرض مرض الموت وإن ابتدأ بهم الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا استحبابا عملا بحديثي الباب ونحوهما وهو جمع حسن تتلاقى فيه الأحاديث الصحيحة المتعارضة ولا شك أن الجمع بين النصوص إذا أمكن أولى من النسخ والتحريف وقد قوى هذا الجمع الحافظ بن حجر رحمه الله. إيه الإمام أحمد رحمه الله أنا ذي du juste milieu, qui rassemble entre ces deux avis. Il dit, rahimahullah, qu'il faut différencier entre deux situations. Si l'imam commence sa prière debout, et que pendant cette prière, qu'il a commencé debout, il est malade, ou ne peut la continuer debout, il s'assied. Alors, ceux qui sont derrière lui doivent rester debout. Comme l'a fait Abu Bakr, radiallahu anhu, et les autres compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car dans cette prière, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé debout, puis s'est assis. Mais Abu Bakr et ses compagnons sont restés debout. Et le deuxième cas, lorsque l'imam prie assis dès le début de sa prière. Dans ce cas, tous ceux qui sont derrière lui doivent prier assis, et ceci de façon préférable en appliquant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux hadiths, celui d'Abu Huraira et celui de Aïcha radiallahu anha, que l'on est en train d'étudier. Et Cheikh al-Bassam dit, il n'y a aucun doute que wa huwa jam'un hasan, et c'est un rassemblement bon qui rassemble l'ensemble des hadiths authentiques qui, par apparence, se contredisent. Et il n'y a aucun doute que de rassembler les différents textes est meilleur que d'user de l'abrogation. Et Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, a jugé ce rassemblement, cette compréhension, comme étant forte, et Al-Sheikh ibn Uthaymin, entre parenthèses, et aussi de cet avis. Rahimahullah. Ma yukhadu min al-hadithayn. Ce que l'on retient de ces deux hadiths. Awalan mujubu mutaba'ati l'imam, it mutaba'atu l'ma'moum l'imam fi s-salati wa tahrimu l'musabaqa. Ce que l'on retient des hadiths. Premièrement, l'obligation de suivre l'imam pendant la prière et l'interdiction de le précéder. Thaniyan, tahrimu mukhalafatuhu. مخالفته وبطلان الصلاة بها. L'interdiction de divergé avec l'imam dans sa prière et l'annulation de celle-ci. Donc, selon l'avis de Cheikh Al-Bassam, qui prend l'avis de l'imam Ahmed, et comme on l'a vu tout à l'heure, l'avis de la plupart des savants est que cette prière n'est pas l'avis de la plupart des savants est que la prière est valide de celui qui précède l'imam. Même Amdan. L'avis de Jumhur al-Ulama. ثالثا إن الأفضل في المتابعة أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة قال الفقهاء وتكره المساواة والموافقة في هذه الأعمال. Le mieux est de suivre l'imam de telle sorte que les actes de celui qui suit l'imam viennent après les actes de l'imam, de suite après. Et les savants ont dit qu'il est détestable de faire les mouvements en même temps que l'imam. رابعا إن الإمام إذا صلى جالسا لعجزه عن القيام صلى خلفه المأمومون جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام تحقيقا للمتابعة والاقتداء. Quatrièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est que l'imam, lorsqu'il prie assis, lorsqu'il n'a pas la possibilité de prier debout, ceux qui prient derrière lui doivent prier assis, même s'ils ont la possibilité de prier debout, ceci parce qu'ils doivent suivre l'imam. خامسا إن المأموم يقول ربنا لك الحمد حينما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. وقال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في أن المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وقال ابن حجر أما الإمام فيسمع وفيسمع يسمع ويحمد ويجمع بينهما. وقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما. Cinquièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est que celui qui prie derrière l'imam dit Rabbana wa lakal hamd lorsque l'imam dit Sami'a Allahu liman hamidah. Et l'imam ibn Abd al-Barr rahimahullah dit et je ne connais aucune divergence concernant celui qui prie seul. Celui qui prie seul doit dire Sami'a Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Lorsque tu pries derrière l'imam, tu dis Rabbana lakal hamd lorsqu'il dit Sami'a Allahu liman hamidah, mais lorsque tu pries seul, tu dis à la fois Sami'a Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Et Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah a dit quant à l'imam, il dit aussi les deux Sami'a Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, car cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait entre les deux, c'est-à-dire entre Sami'a Allahu liman hamidah et Rabbana lakal hamd. سادسا إن من الحكمة في جعل الإمام في الصلاة الاقتداء والمتابعة. La sagesse de la présence de l'imam pendant la prière est qu'il soit considéré comme un guide et qu'il soit suivi. سابعا جواز الإشارة في الصلاة للحاجة. L'autorisation de faire un signe pendant la prière s'il y en a le besoin. Lorsque le professeur Hassan a fait un signe à ses compagnons de s'asseoir. ثامناً في الحديث دليل على تأكيد متابعة الإمام وأنها مقدمة على غيرها من أعمال الصلاة. فقد أسقط القيام عن المأمومين القادرين عليه مع أنه أحد أركان الصلاة كل ذلك لأجل كمال الاقتداء. Huitièmement, dans ce hadith, il y a une preuve que l'imam doit absolument être suivi. Et que le suivi de l'imam passe et précède et prévaut sur le reste des actes de la prière. Pourquoi ? Car de suivre l'imam, yani, exemple, ceux qui prient derrière lui, qui ont la possibilité de prier debout, de prier assis, alors que de prier debout fait partie des piliers de la prière. de prier debout pour celui qui en a la possibilité, est-ce que c'est un pilier de la prière ou pas? Oui, pour la prière obligatoire, c'est un pilier. Si ton imam commence sa prière assis, tu dois prier assis. Yani, le fait de suivre l'imam vient jusqu'à amputer et exempter d'un pilier de la prière. Ceci prouve son immense importance. تاسعاً ومنه يؤخذ تحتم طاعة القادة وولاة الأمر ومراعاة النظام وعدم المخالفة والانشقاق على الرؤساء. Neuvièmement, ce que l'on retient également de ce hadith, c'est l'obéissance au gouverneur. L'obéissance au commandant et au gouverneur. Et de respecter les nidam, comment on traduit le nidam? Non, de respecter les règles. De respecter les règles établies. Et de ne pas contredire et d'aller à l'encontre des gouverneurs. فما هذه الشرائع الإلهية إلا لتعويدنا على السمع والطاعة وحسن الاتباع والائتلاف. Et toutes ces législations divines ne sont pour nous qu'un entraînement à l'obéissance, à l'écoute et à l'obéissance. Et à suivre correctement et à se réunir. بجانب التعبد بها لله سبحانه وتعالى. En prenant en compte, bien sûr, le caractère, le fait que c'est une adoration aussi. Lorsque tu suis l'imam, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en le suivant. وما أعظم الإسلام وأسمى تشريعاته وأجل أهدافه ووفق الله المسلمين إلى التبصر بدينهم واتباعه فيجتمع شملهم وتتوحد صفوفهم وتعلو كلمتهم فما الخير إلا في الاجتماع والتفاهم وما الشر إلا بالتفريق والاختلاف والمراء الباطل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إيه الشيخ البسام دي إيه كما لإمان ست religion. Et comme ces législations sont importantes, et comme les buts sont sublimes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette aux musulmans d'avoir une clairvoyance dans leur religion et de suivre celle-ci. Ainsi, leur rang sera unifié, leurs avis seront réunis, et leur parole sera élevée, car dans le rassemblement, il n'y a que le bien, et dans la divergence, il n'y a que le mal, d'où la parole d'Allah Azza wa Jal, et obéissez à Allah et à son envoyé, et ne vous disputez pas, car ainsi vous fléchirez, et vous perdrez votre force, et patientez, car Allah est avec les patients. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.